Eh bien, chers téléspectateurs, notre face-à-face de la semaine aura pour titre ce soir « Si Naïm était compté ». Ce débat entre Israël et l'Égypte sera arbitré par Charles de l'Élysée, 1m87, 123 kg, champion de Gaulle, poids lourda. Les protagonistes en seront M. le chef des incorruptibles égyptiens Elliot Nasser, alias aussi Mohamed Créponnet, champion du Nil, 1m91, 127 kg, poids Moyen-Orient. Et d'autre part, M. David Israël Aziz, dit Philippe Claire Zerma, 1m12, 22 kg, poids chiche. M. David Israël vient de faire son entrée comme d'habitude par la grande porte, la porte cachir, la porte cochère, alors que Elliot Nasser était entré comme toujours par la porte de secours. Nous insistons sur le fait que cette rencontre a lieu à l'Élysée Montmartre et compte naturellement pour le tournoi des Cinq Nations. Monsieur le champion de Gaulle, vous avez la parole. Merci, merci, monsieur le journaliste. Mais je vous fais remarquer que vous avez omis de nous présenter les autres participants à ce débat. Je vois bien sûr le représentant du Congo, monsieur Schwartz, que j'ai reconnu à la couleur. Mais d'autres personnes dont j'ignore même l'identité. Monsieur, s'il vous plaît, qui êtes-vous? Vous? Ivan Popov, attaché à l'ambassade russe. Bien. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Vous? Ivan Romanov, attaché à l'ambassade russe. Ah bien, Ivan Romanov, attaché à l'ambassade russe. Et vous, monsieur le Mahométan, qui êtes-vous? Vous? Moi, Ivan Deporo, attaché avec la ficelle. Très bien, mais encore, monsieur Ivan Deporo, attaché avec la ficelle, vous représentez quoi? Je représente une facture que vous avez oublié de payer en 56. Oui, oui, enfin, je vois surtout que vous représentez le Mahométan moyen, très moyen, n'est-ce pas? Alors, j'en profite pour vous poser quelques questions. Tout d'abord, quelle est votre profession? Je suis pilote d'essai. Bravo, bravo, vous êtes pilote d'essai dans l'aviation égyptienne. Ah, pas du tout, je suis pilote d'essai dans une usine de suppositoires. Ah, bon. Mais dites-moi, monsieur le champion de Gaulle, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en avez dans la main, là? Non, non, vous inquiétez pas, cher Mahométan, ceci représente un micro. T'étais pas Macron, Aldenemec, t'étais pas Macron, les Arabes. Mais non, mais non, vous faites erreur, cher Mahométan, ceci dit, je représente un micro. Alors voilà, vous parlez là-dedans, n'est-ce pas? Et on vous entend un peu partout dans le monde. Alors, s'il vous plaît, alors, par exemple, alors, moi, je parle là-dedans et le monde entier m'entend. Voilà. Alors, par exemple, si moi, je dis ce que je pense de la politique de monsieur Nasser, alors tout le monde m'entend. Voilà. Tout le monde m'entend. Au secours, au secours. Non, non, non, non, ne vous inquiétez pas, cher Mahométan, mais en dehors de ça, est-ce que actuellement en Égypte, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous travaillez à votre faim? Écoutez, monsieur Dogo, tu viens pas embêter les petits Arabes. Grâce à Dieu, les Arabes ont ces emmerdements. Comme ça, grâce à Dieu. Alors, je m'en vais encore une fois vous faire un explication. Actuellement en Égypte, nous sommes divisés en deux clans, les optimistes et les pessimistes. Les optimistes disent que nous allons manger de la merde pendant 3 ans. Je demande pardon, cher Mahométan, là je pense que vous faites erreur. Vous vouliez dire les pessimistes, n'est-ce pas? Pas du tout. Les pessimistes disent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh, Dieu, t'en es venu ici pour débattre le problème d'Israël ou pour raconter des histoires? Mais je m'excuse, monsieur David Israël, mais monsieur Elliot Nasser voudrait dire quelque chose. Oui, justement, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, s'il vous plaît, là? Cette chose-là, c'est David d'Israël. Israël connaît pas. Les Juifs, non, on les connaît pas. Ah, David, tu me reconnais pas, hein? Et si je mets un bandeau noir sur l'œil, tu me reconnais? Allez, c'est de l'humour juif, ça. Ça me tente pas, c'est de l'humour gratuit. Non, non, non, non, il a marqué. Un but à 0. Et je suis un arbitre impartiel. Mais continuons le combat, le débat, s'il vous plaît. Moi, je vous dis que je pars pas en face d'un juif. Il y a qu'à aller dans l'autre studio, c'est tout. Ah, vous voyez, alors ça continue. Alors s'il me reconnaît pas, alors moi, je m'en vais, je quitte la table. Ah non, vous n'allez pas encore nous faire le coup de la télévision. Ici, ce n'est plus la même émission. Ici, c'est quitte ou double, le cachet. Qui tout double, alors je reste. Très bien. Alors moi, je vais me placer au milieu. Je serai un mur entre vous. Comme ça, vous pourrez vous lamenter, chacun de votre côté. À vous l'honneur, monsieur Elliot Nasser. Eh bien, alors il faut tout bonnement que les Juifs y retournent sur leur position de départ. Un point, c'est tout. Vous savez, les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Nous, on se fiche du camp... Ouais, du camp des ratons, quoi. Camp des ratons, ils vous emmerdent. Non, non, non, c'était très bien joué. 2-0. Mais c'est pas du jeu, ça, alors. Mais alors, si on se laisse faire comme ça, mais alors, où ira... Où ira-t-on, quoi. Les ratons, ils vous emmerdent. 3-0. Vous êtes battu sur tous les fronts, monsieur Elliot Nasser. Il y a de la triche. Heureusement que vous êtes encore avec nous dans ce conflit, mon général. Hein. Merci, merci beaucoup, ma grande sœur Zora. Merci de nous avoir aidés en toute neutralité. Mais face à 2 millions de Juifs qui ont agressé 60 millions de petits Arabes de rien du tout. Mais c'est normal qu'Israël ait gagné la guerre. Ils avaient 2 millions de Juifs avec eux. Nous, on n'en avait même pas un seul. Et puis tu comprends, les Juifs, c'est comme les Arabes. Hein? Tu leur donnes ça et tu prends ça. C'est ainsi comme les mers. Les mers, ils prennent le golfe d'Aqaba, la mer Rouge, la mer Égée, la mer Caspienne, la mer Tchaltrénée. Alors nous, avec les bateaux, parce que tu sais, on a beaucoup de bateaux, alors avec les bateaux, on naviguera... Ouais, on naviguera tant, quoi. On naviguera tant. Les ratons, ils vous emmerdent. 4-0. Décidément, vous prenez la pilule. La pilule. Alors vous aussi, si vous tenez des propos anticonceptionnels, monsieur de Gaulle, alors avec qui tu es? Avec les Juifs ou avec nous autres? Moi, je t'ai toujours épaulé, hein. Encore maintenant, je vais donner des conseils pour les prochaines élections. Écoute-moi bien, cher président de la France et d'ex-outre-mer, Yahasra. Mon ministre de la Santé, que c'est un ex-interné, il m'a dit comme ça. De Gaulle, il familiarise trop avec le peuple. Il touche la main à n'importe qui, à n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on attrape les maladies. Deuxièmement, petit abysse. J'ai chargé mon ambassadeur de Pical pour que les Mahométans de Barbès Affiché te soutiennent pour les élections. Ça sera facile de te soutenir, ils ont l'habitude, ce sont tous des soutenus. Ils voteront tous pour toi.